Le cheval. Mes durs rêves formels sauront te chevaucher. Mon destin au char d'or sera ton beau cocher, qui pour reine tiendra, tendus à frénésie, mes vers, les parangons de toute poésie.